Les belles rencontres. Voici la troisième partie de l'entretien d'Anne avec Jacques Boutin, peintre animalier de Newport. Pour tes animaux, tu fais beaucoup d'oiseaux, mais quand tu fais des loups, des choses comme ça, là, comment tu prends tes photos? Ah, ben des loups, ça. Disons que, ben, à ce temps, je prends des photos, moi, c'est des films que je fais, je prends à ce temps. Oui, oui. Au début, j'avais un Kodak, je prenais des photos, mais je les manquais tout le temps. Ah, tu ferais des films? Des films à partir de ton Kodak? Ouais, maintenant, je vois dans le bois, peu importe, où, dans le bois. Là, je vois un animal, ben là, je vais essayer de le filmer ou le plus proche que je peux. Et à partir de là, ben, je peux sortir des photos après. OK. Puis je peux le voir en mouvement parce que c'est un film. OK. Ben, c'est pour ça, des fois, ben, là, quand je suis pas sûr, ben, là, je regarde le mouvement. Là, OK, là, je vois ça comme ça. Là, je prends une photo de qu'est-ce que je suis allé chercher, du sujet. Oui, oui. Là, je peux, après, comparer direct, là. Comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que tu as beaucoup d'observations, parce que quand tu vas comme ça dans la forêt, puis faut que tu observes énormément, être à l'affût de tout ce qui bouge. Oui, puis il faut que tu aies aussi de la patience. Oui, oui, oui, oui. Pour ça, j'en ai, c'est bizarre, mais d'habitude, j'en ai pas. Mais ça, c'est vrai. C'est parce que tu aimes ça beaucoup, mais il faut parce que... Puis, tu dois aussi avoir un bon équipement photographique. Aujourd'hui, oui. Dans le temps, dans le temps, j'avais ce que j'avais, là. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est pas mal différent, là. Parce que si, admettons, tu vois des animaux de loin, tu sais pas être dérangé, mais tu veux les filmer, puis après les photographier à partir de ton film, ben, c'est mieux quand ils te voient pas. ouais, mais je pense que c'est l'approche qui est importante. On pense que les animaux ont toujours peur, c'est pas nécessairement vrai, là. Ah, l'approche est importante? Ah, ouais. Qu'est-ce que tu fais pour... Ben, premièrement, ben, souvent, mettons, si on va aller trop vite, c'est sûr, on lui fait peur en partant, il te laisse pas le temps de te virer de bord, ils sont déjà partis, là. Mm-hmm. Mais tu prends le temps, tranquillement, ben, tranquillement, t'approches. j'exagère pas, mais c'est le même pareil. Puis tu vas pouvoir quasiment les flatter, même. Ah, oh, oui. Ouais, ben, mon voisin, une fois, c'est parce que là, on parle un peu de les films que je prends. Oui, on va en parler quand même. On parlera de ça plus tard. Oui, mais mon voisin, il avait un sifflet sur une roche. Ah, je m'en allais le filmer parce qu'il m'avait appelé. Je lui avais dit, si tu vois des sifflets, dis-moi les, je vais les filmer. Il m'avait appelé, il y en avait un. Tu ne seras jamais capable de l'approcher. Il va rentrer à son tour. Il dit, tu gâches-tu avec moi 5$ que si je m'en l'approcher, il m'a le flatté. Il ne croyait pas. Parce que je dis, là, faut que tu laisses au moins 10-15 minutes, le temps, là, tranquillement. Mais je l'ai fait. Je l'ai pas flatté, par exemple, parce que je voulais pas le flatter, mais il était à côté de moi, puis je le filmais, là. Ah, oui. Alors, pour ça, j'ai des preuves, j'ai des films de ça, là. Ah, c'est vraiment... Ah, oui, c'est prendre le temps. Juste le temps, puis pas aller trop vite, puis pour que l'animal s'habitue à te voir, puis... Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est le truc, je pense, là. C'est vrai, puis dans le fond, c'est simple. Oui, oui, très, très simple. Puis il s'agit de le faire lentement, puis d'avoir de la patience. Parce que tu fais pas trop vite, tout, il y a peur. Mm-hmm. Ça saute parce que pour lui, t'es une proie. Fait que t'essaies de faire une complicité quand même avec l'animal pour que c'est ça s'habitue. Ouais, je comprends. Tu prends le temps, puis c'est sûr que c'est long, le processus est long parce qu'avant tu t'approches, ça peut prendre 10-15 minutes, avant tu sais le proche, puis encore là, dépendant de l'animal, si tu vois qu'il veut, il est craintif, ben t'arrêtes, t'attends. Tu pour qu'il sente que tu veux pas y faire de mal, tu veux pas, mais c'est ça, tu sais. Mais c'est beau. Ouais, c'est un peu le truc, là, mais... Ben, c'est pas... C'est pas le déguisement, nécessairement. Non, c'est... Même si on connaît le truc, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais toi, tu vas le faire. Ouais, ben, je prends le temps et le moyen de le faire, c'est ça que je veux dire. Mais, c'est ça, ça veut dire qu'à partir de tes films que tu fais, puis pour prendre des photos, pour les peindre, ouais, t'as perdu ton petit capuchon de... Okay. Il est pas loin, là. Ok, tu l'arrêtes. Ça doit être un même bruit. Oui, qu'est-ce que tu disais? Mais c'est comme ça que t'as développé ta passion des films, mais des vrais films animaliers. Animaliers, pas juste pour prendre des photos, mais pour les voir comme un documentaire. Oui, ben c'est ça, ça a commencé de même, c'est parce que à toutes les fois, ben, parce que je voulais avoir des poses, je fais mes peintures. Là, j'allais le filmer, peu importe. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je vois la façon qu'il bouge, puis après ça, ben, je pouvais prendre des photos pour le faire. Ça, c'est bien. C'est puis, bien ça. Puis après ça, ben, j'avais quand même stocké pas mal de films que j'avais pris. Puis à un moment donné, un de mes amis encore, il était venu, puis j'avais montré un petit peu les poses que j'avais pris des animaux. Hey, tu devrais quasiment faire un film animalier avec ça. Mais c'était sur une blague en même temps, tu sais. Puis on avait ri de ça, je dis, moi, c'est vrai, ça. Puis ça restait même, mais ça m'a marqué quand même. Tu sais, s'il m'a dit ça, parce qu'il a bien aimé ce que j'ai filmé, peut-être. Genre, je vais commencer à monter un petit film bien tranquillement, bien ordinaire. Puis le premier film que j'ai fait, c'était sur les colibris. Ah oui! Puis là, ben, j'ai fait ça une heure de temps, puis là, j'ai dit, oh, ben là, peut-être, en tout cas, peut-être c'était trop long, mais en tout cas, je ne savais plus. Là, j'ai commencé à le montrer à beaucoup de personnes, ceux que je connaissais, pour voir s'ils aimaient. Mais il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de son, ben, il n'y avait pas de narration, rien. C'est sûr, mais il aimait ça pareil. Ah, s'il aime ça, c'est déjà bon signe. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé, ben là, j'ai rencontré une personne dans mes cours, là, à Ouidan, Mme Monique Ouellette. Mm-hmm. J'avais demandé, je lui ai dit, voudrais-tu faire du texte pour les films que j'ai fait? Puis j'avais montré mon film. Elle dit, oh, oui, j'aime ça. Oui, je vais le faire. Elle m'a fait mon texte. Après ça, ben là, j'avais trouvé quelqu'un pour faire la musique aussi. Ben, un coup tout fini, ben là, tout le monde trouvait ça super bon, mais en tout cas, c'est ça qu'ils m'ont dit, là. Ils peuvent me compter des mentries pareilles, mais en tout cas. Non. Ben, ça a commencé de même, le film animalier, là, tout ça. Mm-hmm. Ben, fais-tu compte, t'étais ouvert puis à ça, t'étais ouvert à l'idée, t'aurais pu dire non, mais t'es resté ouvert puis alerte à ouais, ben, ça. Ouais, mais moi, j'étais parti de l'idée, mais ça prendrait du temps. Mais au début, ça a pris du temps, ça a pris quasiment un an, là, à monter ça, ouais. Ça a monté le film, ben, tranquillement, puis prendre d'autres pauses parce qu'il manquait des pauses, puis là, en tout cas, ben, au bout d'un an, ben, le résultat est sorti, en tout cas. Ben, c'est ça, t'as quand même un grand souci de peindre de façon avec des petits détails. Ouais. Donc, tes films, t'as fait la même chose aussi. C'est ça, c'est pour ça que ça a pris un an. Oui, ben, tu laisses rien passer, t'as mis ça chez Kato, mais ben, là, t'enlèves, ça l'enlève. Tu dis, ça sera pas beau, ben, en tout cas, ben, c'est ça. Mm-hmm. Les textes, la musique, tout fit. Là. Même mon frère, ben, aujourd'hui, parce qu'il fait de la musique en arrière aussi. Il fait de la musique pour... Ben, lui, il fait de la musique quand il y a un orchestre. Ok, c'est un vrai musicien, ouais. Comme toi, t'es un vrai peintre, un vrai artiste dans ce sens-là. Là, ben, lui qui a pris ça à l'oreille, mais des fois, il faisait des mauvaises notes. Oui. Ben, moi, je lui ai dit, dans mon film, pour pas qu'il y ait de mauvaises notes. Là, il aimait pas ça. Là, il m'a enragé. J'ai dit, pour recommencer, là, il était pas sérieux, parce que lui, c'est toujours à l'oreille. Là. Il a trouvé ça dur, là, aussi, mais c'était un ouais. Parce que quand c'est... Il faut que les gens aient l'impression que c'est professionnel, c'est pas juste amateur. Oui, c'est ça, il faut s'adapter hein, aussi. À suivre.